coucou, recoucou et encore coucou. Bonjour, bonsoir, vous êtes là. Ça, c'est le principal, c'est la première chose que l'on attend. C'est que les auditrices et les auditeurs soient à l'autre bout de la chaîne, on va dire. Hein? C'est-à-dire devant leur poste. Pas de télévision. Leur transistor. Leur radio. Quoi dire d'autre? Enfin, voilà, quoi. Faut être là. Faut être là, tout simplement. Bon, vous êtes là, et ça, c'est le principal. Donc, puisque vous êtes là, eh bien, nous sommes là aussi, hein, puisque nous avons un rendez-vous avec vous. Donc, dès l'instant où nous avons un rendez-vous, on essaye de l'honorer, ce rendez-vous. Bon, des fois, on n'y arrive pas toujours. Hein. Il y a des fois, vous savez, les routes sont encombrées, surtout en ce moment. Mais bon, allez, on y va dans cette 793e émission de Rendez-vous avec vous, Bella Musica. La la la la la la la la la la la la la la la la la Sous ton ciel béni, l'amour fait la loi. Parfum de magie, quand tu chantes pour moi, toutes les romances qui font rêver et qui me donnent un peu de joie. C'est bien toi, musica, qui nous console quand ça ne va pas. Viva la bella musica, le belle canzoni di amore. On deviendrait tous amoureux pour une mélodie sous un beau ciel bleu. Viva la bella musica, questa sera sogno di te. C'est fou ce qu'on s'aime tous les deux, car avec toi l'amour est un jeu. Toutes ces mélodies, qu'elles soient d'hier ou d'aujourd'hui, nous font rêver, font oublier tous nos petits soucis. Allez, c'est la vie, on a tous au cœur un vieux refrain, une chanson qui reviendra nous consoler à sa façon. Viva la bella musica, questa sera sogno di te. Qu'on s'aime tous les deux, car avec toi l'amour est un jeu. Car avec toi l'amour est un jeu. Car avec toi l'amour est un jeu. Voilà, on a bien commencé avec Damien Poyard. On va continuer avec Damien. On va aller voir les filles d'Italie. Ah, les filles d'Italie, qu'est-ce qu'elles sont belles. Rassurez-vous, les filles de chez nous, vous êtes belles aussi. Vous voyez, vous m'avez troublé. De Pise, je me souviens ce soir-là, je suis tombé sous l'emprise d'un amour né envers toi. Nous avions fait des promesses que tu as vite oubliées, mais ces moments de tendresse sont restés dans mes pensées. Ces filles ne sont pas très sages, filles d'Italie. Elles sont même parfois volages quand elles nous oublient. Mais il faut que l'on pardonne, elles sont si jolies d'avoir à prier la Madone pour nos cœurs meurtris. Ces charmantes italiennes, filles au cœur de feu, ne croient pas faire de la peine, pour elles c'est un jeu. On se languit d'impatience de les retrouver, mais aurons-nous un jour la chance d'un premier baiser? C'est déjà fini. Oh, que le temps passe vite en votre compagnie, c'est pas possible. Allez, on va faire un tout petit tour du côté de l'Espagne. Et après, petite surprise, 1964, je vous le dirai après. Que vive contigo, ya no siento nada. Soy tu peor enemigo, ya voy esquivando tus falsas palabras. Voy adivinando tus ideas y tus ideas no me gustan nada, porque nada es lo que te queda en el alma. Me doy cuenta que nos falta el aire, porque agotamos toda nuestra sangre, quitándonos la vida sucia y lentamente. Te propongo una tregua, basta por hoy. Mientras yo voy pensando cómo de ti me deshago sin acabar más. Me iré tan lejos de ti donde no te pueda ver ni recuerde tus armas de mujer que me han hecho sentir esclavo de la guerra y me has quitado las ganas de seguir. Luchando por ti. Somos dos buenos actores que fingen quererse forzando el amor. Ni tú ni yo somos capaces de verlo o de sentarnos y hablar de ello. Aquí hay demasiado silencio. Ya no quiero demorar. Voy a explotar. Mientras no te das cuenta, tengo las maletas en la puerta y sin decirte adiós. Me iré tan lejos de ti donde no te pueda ver ni recuerde tus armas de mujer que me han hecho sentir esclavo de la guerra y me has quitado las ganas de seguir luchando por ti. te mirase para decirte que mi vida ya no es vida por tu afán de embaucarme sin dejarme respirar. Por eso me iré. Allez, on va voir si vous allez reconnaître le titre de cette chanson. Je vous le dirai à la fin. Elle date de 1964 quand même. Hein. Donc, Tout le monde un jour peut trouver l'amour. Il peut aussi croiser ton chemin. Qui sait, peut-être aujourd'hui, peut-être trouver l'amour. Parfois, quand on s'y attend le moins, souvent, quand on n'y croit plus, il vous tend la main. Tu viens quelquefois chez moi, pensant que je ne suis rien qu'un ami. Tu ne sais pas que je t'aime, que c'est toi la seule fille de ma vie. Tout le monde un jour peut trouver l'amour, et j'attends qu'il me tende quelquefois chez moi, en pensant que je ne suis rien qu'un ami. Elle ne sait pas que je l'aime, que c'est elle la seule fille de ma vie. Tout le monde un jour peut trouver aujourd'hui, ce sera vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Bien sûr, vous avez trouvé le titre. Hein. Il n'y avait rien de plus simple, bien que cette chanson que vous venez d'entendre, Lucky Blondeau, Tout le monde un jour, date de 1964. Alors, eh oui, on était jeunes à l'époque. Hein. Ah oui, on était jeunes. Et on entendait ça de partout, dans tous les bals. Sur toutes les stations de radio, c'était notre jeunesse, à vous comme à moi, n'est-ce pas? des souvenirs dans cette émission. Allez, un petit coup de Eddie Mitchell, ça vous tente? Allez, c'est Paris au mois de... Non, pardon, c'est avril à Paris, voilà. Avril à Paris, le cœur en sursis, chagrin et soucis s'en vont au vent. Avril à Paris, c'est une mélodie dont personne n'est à l'abri. Je n'ai jamais connu l'hiver plus dur que celui de ton départ. L'été m'a paru un désert, loin de toi l'automne est là. Mais avril à Paris, chagrin et soucis, le cœur en sursis, seul sous la pluie. Toi l'automne est là, mais avril à Paris, le cœur en sursis. Mais qu'as-tu fait de ma vie? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, j'aime avril à Paris. Mais là, alors là, autant vous dire que ça va zoomer. Ça, je vous garantis. On va kiffer. tu vas l'apprécier. Pourquoi donc alors se priver? On t'appelle Maria la Nouba, avec toi toujours la Java. Première classe pour bien décoller, le voyage pour le déhancher. Ibiza et nous y voilà, Ibiza pour vous les divas. Eh bien, c'est déjà fini. Eh oui, je sais bien, le temps passe à une vitesse vertigineuse. Heureusement que nous avons, comme qui dirait l'autre, de la réserve. Allez, c'est le moment de la tendresse. Jamais je n'aurais cru qu'un beau matin je reviendrais devant la maison. Car je ne voulais pas revivre la fin de l'histoire de notre passion. Mais un matin dans le froid de l'hiver, j'ai voulu revenir en arrière pour revivre un instant le souvenir d'un bel amour plein de mystères. Si l'on s'aimait ce soir comme au temps des fleurs et des grands sentiments. Si l'on s'aimait ce soir, je te promets d'effacer tous tes pleurs. D'antan, on irait tous les deux danser sous les étoiles comme de vieux amoureux. Ce serait notre bal pour raviver la flamme d'un passé joyeux. Eh oui, que voulez-vous ? Ce sont des choses qui arrivent. Elles arrivent quand la chanson est finie et que tout recommence. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. On va rester dans la douceur, si vous le voulez bien, n'est-ce pas ? Sur une plage, une fille qui pleurait. Je voyais sur son visage des grosses larmes qui coulaient. Laissons la plage romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Laissons la plage au romantique. Je veux t'aimer à mon idée. Cette plage au clair de lune, elle était si loin la dune, comme le temps a passé. Laissons la plage au romantique. Ce soir, j'ai envie de t'aimer. Romantique, je veux t'aimer à mon idée. Laissons la plage romantique. Ce soir, un dernier refrain, un dernier soir, ce soir, demain, demain, marions nos chemins et faisons moisson de chansons encore. Thank you. va vite, hein. Ah oui, ça va très très vite. Allez, c'est l'admi John qui va nous faire... je ne sais pas ce qu'il va nous faire. Il va nous faire... allez, swinguer. Que l'on danse de Charleston et que l'on a notre ami John. Voyez-moi bien là que ça cartonne. Il met le feu et tout rayonne avec son chapeau de cow-boy. L'Américain, on le surnomme, tout est femme en pince pour sa pomme. Et je vous assure qu'il a la forme. C'est un beau mec, notre vieil ami John. Et il nous étonne. C'est un super danseur de Charleston. Avec lui, on se bidonne. Et quand il joue de la guitare, il a la pêche même si c'est tard. Et quand il chante sur les grands boulevards, c'est vraiment une star. Et que l'on a notre ami John, croyez-moi bien là que ça cartonne. Il met le feu et tout rayonne avec son chapeau de cow-boy. L'Américain, on le surnomme, toutes les femmes en pince pour sa pomme. Et je vous assure qu'il a la forme. C'est un beau mec, notre vieil ami John. Et il nous étonne. C'est un super danseur de Charleston. Avec lui, on se bidonne. Et quand il joue de la guitare, il a la pêche même si c'est tard. Et quand il chante sur les grands boulevards, c'est vraiment une star. Brin d'amour, est-ce que vous connaissez Brin d'amour? Eh bien, je vous le présente. Elle s'en va du bonheur plein les yeux, car elle aime un beau gars qui lui a dit tout bas: nous tâcherons d'être heureux tous les deux. Ça s'est fait simplement, un baiser, un serment. Puis un soir, au fond bourre, il conquit pour toujours un amour. Belle comme le jour, elle s'en va du bonheur plein les yeux, car elle aime un beau gars qui lui a dit tout bas: nous tâcherons d'être heureux tous les deux.

Allez, cette fois-ci, je vous propose l'amour en bleu. Et après, nous verrons. Allez, c'est parti. J'étais un baladin, rien qu'un musicien qui cherchait toujours la guitare à la main, la chanson qui m'apporterait l'amour. La fille qui saurait m'inspirer les mots et la mélodie. Quand je t'ai vu, alors pour toi j'ai écrit. Il n'y a pas de ciel bleu, plus bleu que tes yeux. Et aucun océan n'est aussi grand. Il y a tout l'or du monde dans tes cheveux. Avec toi je veux vivre ma vie. L'amour en bleu. Comme sur mon piano, mes doigts sur ta peau trouvent les accords. C'est le plus beau duo qui fait chavirer et vibrer nos corps. La musique et l'amour font battre nos deux cœurs en harmonie. Les femmes sont les plus belles symphonies. Il n'y a pas de ciel bleu, plus bleu que tes yeux. Et aucun océan n'est aussi grand. Il y a tout l'or du monde dans tes cheveux. Avec toi je veux vivre ma vie en bleu. Bleu, bleu, bleu, bleu. Rien que nous deux. Avec toi c'est toujours l'amour en bleu. Allez, ça tire à sa fin, comme qui dirait l'autre. Mais pour la première partie de cette émission, je vous rassure, c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je n'ai rien oublié. Le temps passé n'est qu'un voleur. Il dérobe les souvenirs et fane les fleurs. Ça fait longtemps, pourtant l'océan n'a pu effacer nos deux prénoms tracés sur le sable. Tu es la seule qui reste à mes yeux désirable. C'est fini, je veux m'arrêter ici, poser ma vie enfin et mettre entre tes mains tout mon amour. C'est fini, je veux jeter l'ancre ici, poser mon cœur trop lourd, le temps des mauvais. C'est fini. Loin de mes yeux, mais près de mon cœur, tu es toujours resté comme un rêve éveillé, la femme. a su me donner son cœur jusqu'à son âme. Ça fait longtemps et c'était hier. Pour moi rien n'a changé, ce n'est que l'histoire qui recommence. Tu vois, l'amour veut nous donner encore une chance. C'est fini, je veux m'arrêter ici, poser ma tête enfin jusqu'au creux de tes reins et m'endormir. C'est fini, vivre avec toi aujourd'hui, poser mon cœur trop lourd le temps des mauvais jours. C'est fini. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Loulou était dans son village, la plus belle fille des alentours. Tous les garçons du voisinage se jalousait pour lui faire la cour. Son amoureux, un ami de jeunesse, le soir au bal, en la faisant danser, lui murmurait des mots pleins de tendresse, en la voyant frivole au cœur léger. Je le vois bien, Loulou, tu es bien trop jolie pour accepter la vie si simple de chez nous. Tu aimes les bijoux, la grande vie t'appelle. Loulou, tu es trop belle et moi j'en suis jaloux. Elle est partie vers la grande ville, croyant là-bas comme un roman. Vivre sa vie douce et facile, et rencontrer quelques princes charmants. Mais à quoi bon les bijoux, les toilettes? Il faut payer pour un baiser menteur. Et tristement, les soirs de pensée, un souvenir venait dire en son cœur. Je le vois bien, Loulou, tu es bien trop jolie pour accepter la vie si simple de chez nous. Tu aimes les la grande vie t'appelle. Loulou, tu es trop belle et moi j'en suis jaloux. Mais au pavé des capitales, les fleurs des champs ne vivent pas. Fanées trop tôt, elles s'exhalent, tout leur parfum, leur beauté, leur appât. Ayant pris froid par une nuit d'automne, c'est au pays qu'il a dû revenir, où son amant lui dit: je te pardonne, je t'aime tant, je saurai te guérir. Tu le vois bien, Loulou, comme une fleur jolie, tu renais à la vie au soleil de chez nous. Je ne suis plus jaloux, c'est mon cœur qui t'appelle. il t'est resté fidèle. Mia, ma jolie loulou. Voilà, c'était l'ami Jeannot. L'ami Jeannot, le frère, l'ami, le frère, véritablement. Cet ami que j'aime beaucoup. Voilà, et puis un grand merci aussi à Hubert Ledin, qui a mis en musique cette chanson que nous avions enregistrée avec Jeannot à un moment où nous refaisions le monde. C'était comme ça, très souvent le soir, on se retrouvait entre amis. Et puis voilà, il nous chantait sa petite chanson. Il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres. C'est a cappella, bien sûr. Et puis celle-ci, comme c'était aussi un souvenir de son frère Albert, qui la chantait lui aussi très souvent, eh bien, celle-ci, j'ai voulu lui donner un peu plus de cachet, comme on dit. Et puis j'ai demandé à Hubert, et Hubert l'a mise... La mise en musique. Un grand merci, mon pote. Et tu sais, j'y croyais. On doit parfois mourir sur la pointe des pieds. Je m'y croyais invulnérable. Je ne m'étais pas encore mis à genoux. Mais tu t'en vas et je suis incapable de te cacher les larmes glissant sur mes joues. On doit parfois choisir de taire son amour. Mais qu'est-ce que je t'ai fait pour en arriver là? On doit parfois souffrir sans espoir de retour. C'est terminé, pour ce On doit savoir partir. Et puis on va aller faire un tout petit tour du côté de l'Espagne encore. Allez, c'est parti. No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue todo un sueño. una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi amor si te digo la verdad? No quiero verme solo. Me conformo con no verte nunca. Me conformo si ya no haces parte de mi vida. Ha estado una noche con otro para echarme la arena en los ojos. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad? No quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón? ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor si te digo la verdad? No quiero verme solo. Allez, on va rester encore un tout petit moment en compagnie de l'Espagne que je cherchais avec cette chanson espagnole encore. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre, que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Que en el firmamento se mueren de celos. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Allez, c'est un petit coucou qu'on va faire à Lulu et à Fanfan du côté d'Ardon, les danseurs mondains, comme je les appelle. Et oui, parce qu'il faut savoir, hein, il faut savoir que l'été dansant, ils en sont friands les deux. Hein. Ah oui, ils en sont friands. Et autant vous dire qu'ils s'en donnent à cœur joie. C'est de la part d'Yvonne, une amie, et qui tout simplement a une petite pensée pour ces deux personnages atypiques. Et puis, eh bien, ce sera donc Morte Schumann, garde bien la dernière danse pour moi. C'est pour vous les amis, et c'est de la part d'Yvonne, une amie commune. Va danser toutes les danses que tu veux dans les bras de ceux qui t'entraîne trop loin. Va sourire des sourires merveilleux pour les danseurs qui te tiennent la main. Mais que je serai là pour te conduire enfin chez toi. Garde bien la dernière danse pour moi. Danser, tu peux

Allez, c'est un autre registre que nous allons primavera. cadere e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passione, l'amor non sa tacere, è questa la canzone di mille capitene. Je ne me souviens plus l'âge de ce tango, mais je l'ai beaucoup entendu quand j'étais tout gamin. Donc ça fait déjà un petit moment. Tormenta, è da un po' che navighiamo ed il mare ci spaventa. Sei partito appena sveglio dalle braccia di tua moglie. Lei è là che aspetta un figlio come un ramo le sue foglie. Sarà un figlio marinaio e da grande paura, questo mare quando fa sera, capitano, che ne sarà di te, di te? Capitano, tu stai pregando, su quel ponte c'è il finimondo, capitano. Che facciamo, capitano? È lontana ormai la terra. Mentre piano affondiamo, su nel cielo c'è la guerra. Ma perché così non vale che finisca su uno scoglio? Quello che ti fa più male è che non vedrai tuo figlio. Sarà un figlio marinaio che da grande sera. Capitano, che ne sarà di te, di te? Capitano, tu stai pregando, su quel ponte c'è il finimondo, capitano. Capitano, fa più paura questo mare quando fa sera. Toujours dans ce quart d'heure italien, ce quart d'heure italien qui commence bien. Ogni volta che canto, io vorrei regalare a qualcuno un momento sereno. Perché la gente ha bisogno di musica.

ascolti il cuore, non puoi sbagliare. Svegliati, spalanca gli occhi belli e metti un fiore rosso tra i capelli. Per te io canterò mille stornelli. È primavera, stagione. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. La chanson qui va se dérouler maintenant, c'est une reprise de Lucio Dalla. Di parole scritte apposta per te e ti direi scegli la luce che c'è c'è. Stare lontano da lei non si vive, stare senza di lei mi uccide. Testa dura, testa di rato, vorrei amarti qua nel cesso di una discoteca sopra il tavolo di un bar. Io non chiedo più di tanto anche se muoio su con te. Stare lontano da lei non si vive, stare senza di lei mi uccide. Canzone, cercala se puoi, dille che non mi perda mai. Va per le strade. Adesso anzi mi rimando, tanto tu non lo sai. Occhi di mare senza scogli, il mare parte su di me. Ho sempre fatto un solo sbaglio, ma lo sbaglio di me. Stare lontano da lei non si vive. Et voilà, plus que 2 minutes et on se quitte. On l'entendra pas complètement, cette chanson. En tout cas, je vous en donne un petit aperçu. Je vous aime, je vous embrasse et vous les femmes, je vous embrasse. Partout, partout, partout, partout. Più bella al mondo sul mare blu, si fanno trasportare dal gondoliere che le mai va, e si ode un dolce canto che una colomba in cielo va. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous.